Si l'émotivité est déséquilibrée, elle crée des sentiments qui ne sont plus justes. À ce moment-là, le jugement est faussé. Le jugement, ce n'est pas une fonction purement cérébrale ou rationnelle. Le jugement, c'est une fonction de la relation entre l'intellect et l'émotion. Alors, si l'émotion est bien balancée, l'intellect fonctionne bien. Chez ces gens-là qui rentrent dans ces centres d'accueil-là, le jugement, il est faussé parce que l'émotivité est toute débalancée parce que la solitude, la perte des maris, la perte des femmes, la crainte de la mort, tout ça de choses. Fait qu'à ce moment-là, ça devient souvent des gens qui sont très, très difficiles. Alors, dans le monde des attitudes, il y a énormément d'inversions. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse attention. On facilement inverse nos attitudes. On les inverse. Et c'est justement parce qu'on a une très grande facilité d'inverser nos attitudes qu'on ne les réalise pas. Exemple. Prenons le cas d'une personne qui est entêtée. On va parler de couple pour le situer dans un cadre. La femme, une femme raisonnable, le gars, il est entêté là-dessus. La femme, à bout, il fait n'importe quoi, c'est toujours l'entêtement puis l'entêtement qui vient. Alors, lui, dans son entêtement, qui est une attitude, va la maintenir parce que la femme est trop bonne. Sa femme est tellement bonne que elle donne du jeu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si sa femme, un jour, elle n'avait plein de casse, puis elle disait, ton Christ d'entêtement, là, prends Christ de porte avec, l'entêtement s'arrêterait net. Mais elle nourrit son entêtement, elle nourrit. Elle nourrit, puis elle nourrit, puis elle nourrit son entêtement. Une attitude, il faut que ça soit contrecarré, une attitude. Par la création d'une impression. Écoute, c'est pas que la femme, elle veut qu'il s'en aille. Mais elle peut créer une maudite impression qui va créer un maudit choc qui va faire qu'il va changer son attitude. Un entêtement. Alors, un entêtement, ça s'inverse. Puis le processus d'entêtement, une inversion est créée sur le fait que les gens qui ont des attitudes, ces attitudes souvent sont nourries de l'extérieur. Il n'y a jamais quelqu'un pour réellement les bloquer. Comme lui, là, dans le coin, là, lui, il a du caractère, puis il est entêté, de nature. S'il rencontre quelqu'un, bon, laissez-moi finir. Il a du caractère, il est entêté, mais il a du jugement. Mais il a du entêtement. Il a du jugement, puis de l'entêtement. S'il y avait un boss, lui, qui avait des attitudes, à cause du fait qu'il a la vibration de l'entêtement, mais qu'il a du jugement, il pourrait avoir dans l'attitude du boss, puis avec son entêtement, il créerait un choc. Automatiquement. Fait qu'à lui, son entêtement, ça y sert. Tant autant que du jugement. S'il n'y a pas de jugement, l'entêtement, ça ne sert pas. Si tu as du jugement, l'entêtement peut te servir pour que dans tes relations, dans cet exemple-là, tu ne te fasses pas manger une sur le dos. Mais c'est délicat. Ça, c'est avec ton boss. Mais s'il est avec sa femme, là, c'est un autre pain d'avance. Là. Parce qu'il y a beau avoir du jugement avec sa femme, mais s'il y a de l'entêtement, la relation est plus pareille. C'est subtil, des attitudes. Une attitude avec une personne va avoir une différente fonction qu'une attitude avec une autre personne. Puis avoir une différente fonction qu'une attitude avec une autre personne. Il y a des gens qui... Bon, un autre. Comment est-ce qu'il s'appelle? Galipo. C'est entêté, ça. Entêté. Mais il y a du jugement. S'il est entêté dans son milieu de travail, ça y sert. Ça veut dire que les gars, ils peuvent pas y passer sur le gros. Ils peuvent pas y passer sur le dos. Fait que Galipo, il va toujours être... Mais dans sa vie privée, avec les siens, ou avec des amis, puis là, s'il est trop entêté, son jugement ne viendra pas en aide. Fait que la valeur de l'entêtement et du jugement est très importante. Si vous êtes entêté parce que vous avez du caractère, c'est une chose, mais si vous n'avez pas de jugement, là, votre entêtement n'est pas bon. Il faut que vous ayez du jugement. Ils disent que le seul temps qu'une personne peut se permettre d'être entêtée, c'est quand elle a du jugement, parce que le jugement tempère l'entêtement. Ils disent qu'être entêté, c'est une sorte de qualité. Parce que ça fait partie de la volonté. Mais il faut pas qu'il colore trop la personnalité. Il faut qu'il y ait du jugement. Parce que le jugement permet qu'il y ait du sentiment, du bon sentiment avec l'intelligence. Ça, c'est un petit bout, ça. La ceinture, ça s'en sert. Les deux s'équilibrent. Ils ont rien contre les défauts, eux autres. Du moment qu'il y a du jugement. Ce qu'on appelle des défauts. S'il y a du jugement dans un défaut, vous vous servirez du défaut pour amplifier votre vibration. Bon, regarde les gars qui mènent des grosses affaires. Là. Les vice-présidents de compagnie, les gars de multinationales, tu passes pas des têtes de cochon, tu fais pas ce que tu veux, ces gars-là. Comprends-tu? Alors, ils ont un bloc. T'sais, ils ont un bloc d'acier ici. Et c'est des gars qui peuvent être facilement entêtés. Quand le dé ne marche pas, ça ne marche pas le dé. Mais c'est des gars qui ont du jugement. Alors l'entêtement, ça les a amenés, eux autres, à pouvoir centrer leur énergie. Mais leur jugement leur a permis aussi de monter en même temps. Ces gars-là, des gars on the top. Tandis que tu vas avoir un autre gars qui est incontenté, qui n'a pas de jugement, lui va rester dans le fond de la cave tout le restant de sa vie. Quand tu te conscientises, l'entêtement devient une force d'intelligence. Moi, une personne qui ne me connaît pas, souvent, on se rencontre quelqu'un sur la rue, là, puis qu'il y a une situation. Mais c'est évident qu'il va dire que je suis entêté parce que moi, je bronche pas. Fait que lui, dans sa subjectivité, il va me voir comme entêté. Mais dans le fond, je ne suis pas entêté. Parce qu'étant dans l'intelligence, je vais être capable de diluer tellement l'entêtement que, éventuellement, si je veux, il ne le verra même plus. Mais il va le sentir qu'il va l'être. Il va sentir que, tu sais, il va sentir. Mais comme il n'y a pas de vision et il n'y a pas la sensibilité d'intelligence, à ce moment-là, il va ressentir ça comme de l'entêtement. Fait que c'est subtil l'affaire d'entêtement. La manipulation. De? Quand tu es dans l'intelligence, tu sers automatiquement de la loi d'impression. Si tu sers de la loi d'impression et tu es dans ton intelligence, automatiquement tu manipules les énergies. Manipuler les énergies, c'est te servir des énergies positives, des énergies négatives puis tu les neutralises. Tu fais une synthèse. Ça, c'est l'intelligence. Moi, je manipule constamment vos énergies. Constamment. Je manipule constamment vos énergies, vous autres. Tout le temps. Je fais ça depuis que je vous ai rencontré. Mais ça prend de l'intelligence pour manipuler les énergies des gens. Sans ça, si t'es pas dans l'intelligence, tu ne manipules pas l'énergie des gens, tu manipules les gens. C'est pas pareil. Manipuler les gens, c'est être en dehors de ton intelligence, te servir de ta conscience astrale pour ton bénéfice à toi. Manipuler les énergies des gens, c'est pour les amener les gens à créer une sorte d'alchimie dans leur mental, pour les amener à devenir dans leur intelligence, pour élever leur intelligence. Ça, c'est manipuler les énergies. Moi, je suis un manipulateur d'énergie. Non, j'échange. J'ai transmis. Change leur vibration. Esprit. Même à distance. À distance? Oui. C'est-à-dire, comme là, moi, je suis ici, mais ça fait un an que c'est pour vous. Oui. Tu fais ça pendant que je suis ici? Oh. L'affaire à distance, ça fait encore partie de tout. Ça fait encore partie. Je vais vous dire une chose, c'est intéressant, par exemple. Je vais vous dire ça pour votre avenir, en tout cas. Vous comprendrez un jour que quand vous serez dans votre intelligence, vous ne pourrez jamais être influencé. Ni proche, ni loin. Tant que vous ne serez pas dans votre intelligence, vous serez toujours influençable par vous-même ou par les autres. Autrement dit, vos attitudes créeront en vous des conditions psychologiques qui feront que vous auto-influencerez. Parce que vous vous amènerez à penser d'une certaine façon à cause de vos attitudes. Ou vous serez influencé de l'extérieur. Une personne qui est influençable de l'extérieur, c'est une personne qui n'est pas dans son intelligence. Une personne qui est dans son intelligence, ça ne peut pas être influençable. Comprenez-vous, Oui, sinon, comme la madame disait tantôt, elle va dans Floride, mais elle n'a pas d'énergie. Mais tu veux travailler, tu n'as pas d'énergie. Tu fais pas cette énergie-là. Tu n'es pas malade, mais tu es là. Ça, c'est le... Elle a retenu l'énergie. L'énergie est retenue par les forces créatives qui sont en toi pour t'amener pour quelque raison que ce soit. Je vais te donner un exemple. Il y a des petites femmes, là. Ils se lèvent le matin à 7 heures, puis nettoient les cendriers, puis nettoient les planchers, puis nettoient les plafonds, puis nettoient tout. Le bonhomme arrive le soir, puis qu'est-ce que tu fais, moi, puis tout. Ah, j'ai lavé la maison. Le lendemain, la bonne femme, elle se lève à 7 heures, elle est poussée, par nettoyer les planchers, par nettoyer les cendriers, par nettoyer les plafonds, elle nettoie. Il y a des petites femmes qui passent leur temps à nettoyer, c'est des vrais spick and span. Tout le temps. Toute leur vie nettoie. Tout d'un coup, ils viennent supposons, une petite femme comme ça vient à mon séminaire. C'est évident que dans 2 ans, là, elle va commencer à moins nettoyer les planchers. Puis moi, le bras m'a dit, qu'est-ce qui arrive, Chris? T'es rendu comme une vraie salope. Là, la petite femme, elle va dire, qu'est-ce qui se passe? Là, elle va commencer à se demander, es-tu paresseuse? Es-tu déprimée? C'est pas qu'elle est déprimée, c'est que les énergies qui étaient dans son corps astral avant, qui se servaient de ses attitudes pour la faire, pour qu'elle se promène dans la maison comme un papillon, ça commence à se retirer, ça commence à se retirer. Elle commence à perdre de ses attitudes. Fait que là, elle commence à relaxer, mais elle n'est pas habituée à con. D'un coup, elle prend un petit break l'après-midi, elle s'assied à son sofa, puis elle n'est pas habituée au début. Là, elle commence à s'en couper. Chris, qu'est-ce que je fais là? Je fais 10 ans qu'elle se promène comme un papillon, comme une sauterelle, puis là, elle a le cul assis, puis là, elle se sent comme déprimée. Là. Elle dit, je dois être malade. Là, elle appelle sa chum, puis elle dit, écoute, Pierrette, elle dit, je sais pas qu'est-ce que j'ai pas le goût de laver le plancher, j'ai pas le goût, je sais qu'est-ce que mon mari va dire à soir. T'as arrivé au bout de 6 mois, là, c'est piqué dans son sofa, elle est rendue dehors sur la rue, puis elle se promène. Puis là, elle a appelé sa chum, puis là, ils s'en vont chez Ethan, puis ils prennent un coup. Elle s'est habituée. C'est même ça marche. Mais on n'est pas habitué au début. Fait qu'au début, comme on n'est pas habitué, ben, on se crée des complexes. Y en a-tu parmi vous autres qui comprennent ce que je veux dire et qui ont vécu ça? Ouais. Les femmes? Ouais. Oui, c'est universel. Savez-vous qu'est-ce qui est difficile pour nous autres? Vous autres, vous parlez de ça au niveau de vos expériences. Moi, je l'ai vécu au niveau de l'intelligence. Moi, quand ils m'ont fusionné au début, là, je commençais à parler. Je parlais pas comme avant, mais je parlais. Puis quelqu'un m'arrivait à côté, puis il me disait quelque chose. Ben, je disais oui, mais. Puis quelqu'un arrivait à une autre chose, puis je disais oui, mais. Puis j'allais toujours au-delà. Puis j'étais tellement pas habitué de vivre de l'intelligence que je disais aux autres en haut, j'ai-tu raison? Puis les autres, pour me casser ça, c'est ce qu'ils disaient. Ils disaient, lève-toi dans la patte droite, là. Là, j'essayais de lever ma patte droite, j'étais pas capable. Puis il disait, même avec tes mains, là, essaye de lever ta patte droite, là, j'étais de même, là. Puis il disait, ouais, ta petite crise de volonté, lève-la la patte droite, puis j'avais des vrais niaiseux. Là, j'étais pas capable de lever. Là, il disait, lève-la ta patte droite, là, je levais ma patte droite, là. Bon, mais il disait, c'est la même chose au niveau de ton mental. T'es fusionné, niaiseux. Fait que quand tu parles, tu parles. Puis tu vas parler toute ta vie. Fait qu'habitue-toi, être intelligent. Là, je suis habitué à ça, ça me fait plus rien. Mais au début, je n'étais pas habitué. Ça me créait des tensions. Je me disais, c'est pas possible, c'est pas normal. Puis là, je rencontrais des occultistes, des ésotéristes, puis des moines, puis des moineaux, puis des maîtres. Là, les gars, ils m'arrivaient avec leur grosse théorie, puis le plan astral, puis je disais, oui, mais. L'autre m'arrivait avec le bon Dieu, je disais, oui, mais. L'autre m'arrivait avec la Sainte Vierge, je disais, oui, mais. Fait que j'ai commencé à développer du oui-métisme. Quand j'ai dépassé toute cette insécurité du oui-métisme, mais là, je suis devenu comme je suis aujourd'hui. Je parle du signal. J'en souffre plus d'être ça. Enfin, vous autres, c'est la même chose au niveau de votre expérience. Un jour, vous allez vous trouver dans le siège chez vous, l'après-midi, vos cendriers vont être sales, vous en souffrirez plus. Si on étudie l'origine des attitudes, où ça commence les attitudes? On découvre deux origines, deux sources. L'homme est construit d'un corps émotionnel et d'un corps mental. Et quand on est jeune, c'est notre corps émotionnel qui se forme le premier. Ensuite, notre corps mental qui se développe. Puis la formation de notre corps émotionnel, comme on n'est pas conscient, qu'on n'a pas d'expérience de la vie, permet à l'âme de se manifester. L'âme se manifeste énormément chez l'homme quand il est jeune. Quand l'homme grandit et qu'il développe un corps mental, il peut changer, altérer, modifier ce que l'âme a créé dans son corps astral quand il était jeune. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme commence à prendre conscience de ses attitudes. Prendre conscience de ses attitudes dans le sens de les manifester avec plus ou moins d'intelligence. Quand il est jeune, l'enfant en a des attitudes aussi. Il n'y a pas d'intelligence développée. Son corps mental n'est pas parfaitement développé. Mais il manifeste des attitudes qui font partie de sa mémoire. Quand il grandit, il manifeste les attitudes qui font partie de sa mémoire, mais qui ont été colorées par son intellect. Autrement dit, les attitudes commencent dans le corps astral, ensuite se situent au niveau du corps mental. Mais les deux corps ne sont jamais séparés, de sorte que les attitudes sont toujours émotives et mentales à la fois. Plus on prend de l'âge, plus on prend de l'expérience, nos attitudes se modifient. On appelle ça grandir en sagesse. Mais la sagesse n'élimine jamais toutes les attitudes chez l'homme. La seule chose qui élimine toutes les attitudes chez l'homme, c'est l'intelligence pure. La sagesse va éliminer les attitudes négatives, va créer ou maintenir ou garder les attitudes positives. Un peu comme un gars dans son jardin, il va éliminer les mauvaises herbes et il va garder les roses. Le problème de l'attitude chez l'homme, c'est un problème qui est congénital. Dans le sens que l'âme a un pouvoir énorme sur lui quand il est inconscient. Et au fur et à mesure qu'il grandit, les attitudes vieillissent. Eux autres appellent ça vieillir. C'est le vieillissement des attitudes qui nous font vieillir. L'homme a l'âge de ses attitudes. Pour un type qui est un bon vivant, qui va avoir certaines attitudes envers la vie, il va avoir cet âge-là. C'est un type qui est très, très, très, très... très corsé, très tight, très... pas relax, tendu. Il va avoir l'âge de ses attitudes. Quand on commence à se conscientiser et qu'on sort du phénomène de l'attitude, on commence à se rajeunir sur tous les plans. Mais il y a une chose dans les attitudes qu'on ne comprend pas. C'est qu'on ne comprend pas que les attitudes se détruisent. On ne comprend pas, on sait que ça se détruit, mais on ne comprend pas. On ne sait pas comment. La raison pour laquelle on ne sait pas comment, c'est parce qu'on se fie trop à nos attitudes. Et plus on avance en âge, plus on se fie à nos attitudes. Puis éventuellement, nos attitudes sont tellement fortes que éventuellement, nos attitudes deviennent la coloration de notre personnalité et deviennent l'expression de notre intelligence. C'est notre intelligence devient nos attitudes manifestées. Il y a des gens que vous allez rencontrer dans la vie, puis vous allez leur parler, puis vous allez sentir dans leur intelligence une attitude quelconque. Et dans l'intelligence, il ne doit pas y avoir d'attitude. Alors, autant l'attitude peut colorer l'émotivité chez l'homme, autant l'attitude peut colorer l'intelligence chez l'homme. Ça veut dire que chez l'homme, le corps astral peut colorer le mental, peut colorer l'intelligence, peut colorer le jugement. La faillite de la civilisation occidentale provient du fait que dans la civilisation occidentale, il y a énormément de nations qui ont des attitudes totalement différentes et souvent même totalement opposées. Et la faillite de la civilisation occidentale est directement proportionnelle à les mémoires d'humanité, c'est-à-dire à les mémoires de tous les individus qui la composent. C'est pour ça que l'humanité, l'homme, ne pourra pas rentrer dans l'âge de la conscience, l'âge de la science avancée, tant que l'humanité n'aura pas subi un choc énorme au niveau de sa psychologie collective, au niveau de son histoire, au niveau de ce qu'elle considère de précieux, ainsi de suite. Il faut que l'humanité, un jour, dans un temps suffisamment rapproché, subisse un choc, parce que seul le choc peut détruire les attitudes de l'homme. Mais quand un homme se conscientise, il ne s'intéresse plus ou il n'est plus inquiet ou son attention n'est plus dirigée envers l'humanité. Son attention est dirigée sur lui-même. Et c'est ce qui fait que les gens qui se conscientisent et qui sortent et qui se libèrent de leurs attitudes éventuellement n'ont plus d'attitudes avec lesquelles opérer dans la vie. Et c'est ça qui les force éventuellement à être obligés de se retirer de la société sur le plan psychologique. Tant que tu as des attitudes, tu peux fonctionner en société parce que tu as des outils qui conviennent à la convention sociale. Mais quand tu n'as plus d'attitude, tu n'es plus capable de perdre de l'énergie parce que dans la manipulation de ta personnalité, tes attitudes te permettent de perdre énormément d'énergie. Mais quand tu sors des attitudes, quand tu rentres dans ton intelligence, tu n'as plus d'énergie à perdre. Alors automatiquement, tu n'as plus les outils que tu possédais avant pour te bien comporter en société, c'est-à-dire pour jouer le jeu social. Ça, c'est pour nous amener à la confrontation entre l'homme conscient ou l'homme de demain, et sa responsabilité sociale. Viendra un jour où l'homme de demain ne pourra plus vivre, ne pourra plus souffrir de la responsabilité sociale. Et quand je parle de responsabilité sociale, je parle de responsabilité systématiquement organisée en fonction des attitudes créées en lui et par lui au cours de son évolution depuis qu'il a commencé à appartenir à la société. Vient un jour où l'homme n'est plus capable, n'est plus intéressé aucunement à la société. Il est totalement asocial. Il vit en fonction de la société simplement parce qu'il est dans un corps matériel. Mais il ne vit plus en fonction de la société pour des raisons sociales, psychologiques, qui se servent de ses attitudes pour renforcer les mécanismes qui établissent les liens entre l'individu et le social. Quand un homme commence à sortir de la relation homme et collectivité ou individu et collectivité, il est obligé à ce moment-là d'être dans son intelligence, parce que s'il n'est pas dans son intelligence, autrement dit, s'il n'a pas découvert son intérêt vital, il se trouve totalement perdu face à la réalité qu'il commence à vivre et la condition sociale à l'intérieur de laquelle il s'exécute encore. Et ça peut créer une certaine tension, ça peut créer une certaine angoisse, ça peut même créer une certaine crainte pour certains individus. Le phénomène des attitudes chez l'homme, c'est un phénomène qui est universel. Et c'est un phénomène qui doit totalement disparaître et qui ne peut plus exister à l'intérieur de la sixième race. Et quand je parle de la sixième race, je ne parle pas nécessairement de la sixième race que connaîtront les hommes au 21e siècle. Je parle réellement de cette sixième race qui est le début de la sixième race. Il y a une sixième race qui est le début de la sixième race. Il y a une sixième race qui est le point de coupure, de scission entre l'homme ancien et l'homme nouveau. Je ne peux pas dire grand-chose sur cette race de transition-là, parce que je ne peux pas, même si c'est inutile, de trop expliquer ou de trop donner d'avance des points de référence à l'homme qui fait partie de cette période de transition. Mais je sais que dans la période de transition entre la cinquième et la sixième race, il y a une race d'hommes ou un groupe d'hommes sur la Terre qui ne vivront pas d'expériences qui seront parallèles avec celles de la sixième race, qui ne vivront pas, autrement dit, leur vie au 21e siècle comme le vivront ceux de la sixième race normale. Et ce sont ces gens-là qui seront forcés de comprendre la loi des attitudes, parce qu'une fois que la loi des attitudes aura été comprise par un nombre suffisant d'individus sur la Terre, il y aura automatiquement une ouverture dans leur esprit qui se fera dans les années à venir et qui permettra que se joignent au 21e siècle ceux qui appartiendront à la sixième race. Ce que je dis, c'est pas clair. Est-ce que j'ai pas commencé à dire ce que je veux dire encore? C'est tellement important pour l'homme de comprendre le phénomène des attitudes. C'est tellement important que seuls les hommes qui n'auront plus d'attitude, autrement dit, qui auront un ego totalement balancé, pourront servir de pont entre la cinquième et la sixième race. Autrement dit, seuls ces hommes-là auront le privilège d'entendre auditivement les êtres qui sont dans les vaisseaux. Et les hommes qui auront le privilège d'entendre des êtres qui sont dans l'invisible auront le privilège de travailler avec eux. Et ils auront le privilège. Privilège, c'est un grand mot. Mais ils auront le privilège de connaître les secrets de la planète Terre. Et si je parle des attitudes aujourd'hui, je parle autant des attitudes pour les gens qui iront dans le 21e siècle et qui feront partie de la sixième race. Mais aussi, je parle pour les gens qui n'appartiendront pas à la sixième race, mais qui appartiendront à la partie médiane, au secteur médian entre la cinquième et la sixième race. Des gens qui feront partie de ce qu'on pourrait appeler les pères de la sixième race. Et des gens qui connaîtront les secrets de la Terre avant que la sixième race commence son évolution. Et c'est là que je vais commencer à parler. Il y aura des gens qui évolueront très très rapidement et il y aura des gens qui évolueront très lentement. Ceux qui évolueront lentement évolueront vers la sixième race. Ceux qui évolueront rapidement seront retenus à la source. C'est-à-dire qu'à un certain moment, dans un avenir suffisamment rapproché, ces gens-là seront amenés à être en contact avec leur conscience éthérique. Ce qui les prédisposera automatiquement à comprendre leur relation future avec des êtres qui travaillent dans les terres. Et pour ces gens-là, la compréhension du mécanisme des attitudes, c'est extrêmement important parce que, puisque tous les hommes sont sujets aux lois des attitudes, puisque tous les hommes bloquent leur intelligence à cause des attitudes, quel que soit le niveau d'intelligence et quel que soit le niveau d'intuition, ces gens-là qui seront prédisposés éventuellement à être en contact avec les terres ne pourront pas avoir d'attitude. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que je sais que déjà, il se fait un travail sur le plan éthérique en relation avec l'oreille de certaines personnes pour les amener, ces gens-là, à réaliser la présence dans les terres d'intelligence qui travaille à façonner leur corps éthérique, à façonner leur double, surtout l'ouïe, parce que c'est par l'ouïe que ces gens-là pourront les entendre. Et c'est très important pour ces gens-là qui sont déjà, qui avancent lentement dans cette direction-là, de réaliser l'importance, quand ils sont en contact avec les hommes, de sentir, de percevoir leurs attitudes s'ils en ont, vis-à-vis quoi que ce soit. Il y a définitivement sur la Terre un certain nombre d'hommes qui sont privilégiés. Privilégiés dans le sens qu'ils ont le privilège de pouvoir éventuellement communiquer avec l'éthérique, auditivement. Et ces hommes-là doivent être instruits dans la notion de l'attitude. Ils doivent être totalement instruits dans la notion de l'attitude afin de couper le courant qui lie leur mental avec leur émotion pour que s'établisse le courant entre la conscience supramentale et leur intelligence. Pour que tous leurs principes soient en contact avec la conscience supramentale pour que le travail puisse se faire au niveau du corps éthérique. Parce que s'il n'y a pas de communication avec le supramental, vous ne pourrez pas avoir de transformation au niveau de votre oreille. Et l'oreille est très très importante. L'oreille éthérique. Et les attitudes sont des formes qui bloquent l'énergie qui permettent que l'homme puisse entendre dans les terres comme il peut entendre dans la physique. On ne connaît pas encore sur la Terre toutes les lois de l'homme, mais on sait que les attitudes sont responsables sur la Terre de la séparation entre le corps mental de l'homme et le corps éthérique de l'homme. On sait que la jonction entre le corps mental supérieur de l'homme et le corps éthérique de l'homme est coupée par ces attitudes. tant que les hommes ou tant que l'homme sera instruit dans la psychologie créative, dans la psychologie de la conscience supramentale, dans la psychologie de l'intelligence, il sera obligé de réaliser que tous les aspects de cette intelligence-là, tous les aspects explicatifs de cette intelligence-là, doivent être réalisés par l'homme. Ceux qui le réaliseront auront l'éther, l'oreille éthérique ouverte, et ceux qui ne le réaliseront pas seront obligés de vivre l'évolution de la sixième race. Mais l'évolution de la sixième race est très différente de l'évolution de ces êtres-là. Si jamais un jour vous m'amenez la... Avez-vous une Bible, c'est? La révélation de Jean. Si jamais un jour vous avez une Bible dans le coin, je vais vous montrer un passage dans la révélation de Saint Jean où il est démontré que dans l'Apocalypse, il y a deux périodes. Il y a une période qui coïncide avec l'évolution de la sixième race, la formation, le développement de la sixième race. Il y a une autre période qui coïncide avec la sortie en éthérique d'un certain nombre de personnes sur la Terre. Et ces deux évolutions-là sont majeures, mais les deux sont différents. Le nombre extrêmement restreint de ceux qui font partie du contact avec l'éther, avant la fin du cycle. Qu'est-ce que j'ai dit avant ça? Bon. Ceux qui font partie de ce groupe-là, là, que j'appelle ça un groupe privilégié parce qu'ils auront accès. Ils auront accès à la mémoire éthérique avant les autres. Ils feront partie d'un groupement que j'appelle simplement, pour donner un point de référence psychologique, les pères de la sixième race, les fondateurs de la sixième race au niveau de la civilisation éthérique, qui aura un effet sur la Terre éventuellement. Ces êtres-là doivent comprendre tout ce qui est de l'instruction de la conscience supramentale sur la Terre. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que il y a un certain nombre de personnes dans les années à venir, qui sentiront le besoin de comprendre tout ce qu'ils peuvent comprendre, de comprendre tout ce qu'ils ont à comprendre, et de saisir tout ce qu'ils ont à savoir concernant les lois de l'âme, les lois de l'esprit de l'âme. Ça fera partie de leur vibration. Ils auront déjà cette vibration-là. Tu ne peux pas les forcer à ça. Ça fait partie de ça. Ça fait partie de leur tempérament, de leur caractère, ça fait partie de leur évolution, ça fait partie de leur vibration. Et ces gens-là seront toujours très, très, très près de l'instruction mondiale. Ils s'éloigneront jamais trop de l'instruction mondiale parce qu'ils auront toujours, dans cette instruction-là, quelque chose à comprendre qui les amènera de plus en plus près de leur intelligence. Pour que leur intelligence se développe tellement que puisse s'établir le lien entre l'intelligence et le corps éthérique double. C'est très important, le lien entre l'intelligence et le corps éthérique double. Pour ces gens-là. C'est pour ça que le phénomène des attitudes, le monde extraordinaire des attitudes doit être de plus en plus compris par les gens. Et c'est très long de devenir intelligent. C'est un processus de longue haleine de devenir intelligent. Ne deviens pas intelligent qui veut quand il veut. Deviens intelligent qui peut dans le temps. Et sauvegardez-vous toujours dans les années à venir de penser que vous êtes intelligent. Vous n'avez pas d'idée qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Et si vous avez l'impression d'être intelligent, ça veut dire qu'il y a une attitude dans votre intelligence. S'il y a une attitude dans votre intelligence, vous serez bloqué de ce contact au niveau du corps éthérique. C'est un défi à la loi de l'intelligence de penser qu'on est intelligent. C'est un défi. Alors, le phénomène de l'attitude humaine, c'est un phénomène qui fait partie de l'involution, qui fait partie de l'inconscience de l'homme, et qui est la toile de fond sur laquelle est représenté tous les abus de l'ego contre l'intelligence publique. Pour les forces de l'intelligence, pour les forces de la lumière, toute attitude condamne l'homme à un aspect seulement de son intelligence. Alors, un homme ne peut pas être en contact avec ces êtres-là dans l'éther s'il a un aspect seulement de son intelligence. L'homme doit avoir tous les aspects de son intelligence. Et tous les aspects de son intelligence, ça se résume à ceci. Ça se résume à être simplement intelligent. Et simplement intelligent, ça veut dire simplement conscient. Ça veut dire être conscient simplement. Ça veut dire être intelligent simplement. Sainte dans son intelligence. Et je vous dis, quand je vous parle et que je vous explique des nuances pour demain, c'est pour vous faciliter la tâche, c'est pour vous faciliter le contact avec l'éthérique. Vous ne pouvez pas avoir le contact avec l'éthérique sans passer par un raffinement, par un filtrage. Et le filtrage, il est fait par la façon dont je présente les idées qui servent à canaliser en vous une énergie qui sert à vous amener à réaliser des choses qui ne sont pas près de l'intellect, qui sont très loin de l'intellect, mais qui sont très près de l'intelligence. Et ce qui bloque ça, ce qui sépare ça, c'est vos attitudes. Vous pouvez très bien ne pas avoir d'attitude envers moi-même, mais vous pouvez très bien avoir des attitudes envers vous-même. Vous pouvez très bien avoir des attitudes envers l'intelligence. Vous pouvez avoir très bien des attitudes envers ce que vous pensez être intelligent. Vous pouvez avoir des attitudes envers tout ce que vous êtes. Un jour, vous ne devez plus en avoir. Mais pour vivre sans attitude, ça implique automatiquement vivre dans un certain vide. Mais le vide que vous connaîtrez sera la condition opposée de votre ego qui aura eu des attitudes. Un jour, vous ne pourrez plus vivre de votre conscience astrale. Vous ne pourrez plus vous nourrir de ce qui est astral en vous. Vous ne pourrez vous nourrir que de ce qui est intelligent. Ah, ce qui est astral en vous, le système des veines que je vous expliquais, qui construit le corps astral et qui maintient les attitudes, c'est extrêmement puissant. Et c'est simplement en vous habituant à écouter et à voir ce que moi je veux dire, que vous allez en arriver à rentrer dans l'intelligence qui vous permettra de détruire et de découvrir vos attitudes. C'est important que vous voyez ce que moi je veux dire, pas ce que vous autres vous voulez voir. Parce que ce que vous voulez voir, ça fait partie de vos attitudes. Toujours pour vous donner raison. Et si vous vous donnez bien raison, vous allez avoir l'impression encore plus d'avoir de l'intelligence dans vos attitudes. C'est un cercle vicieux extraordinairement puissant qui fait partie de votre contact avec le plan astral. Quand vous rencontrerez des hommes qui seront en contact avec leur intelligence et non avec des intelligents, vous le saurez. Instantanément, vous le saurez. Instantanément, vous le saurez. Quand on est en contact avec un homme qui est dans son intelligence, on ne sent aucune vibration entre nous et lui. Il n'y a aucune vibration. C'est un neutre total. Aussitôt qu'il y a une vibration entre deux êtres, la communication ou la manifestation de la personne est astralisée. La preuve la plus catégorique que vous serez ou que vous parlerez avec des hommes ou des êtres qui n'ont pas d'attitude, c'est le fait que vous ne sentirez pas de vibration entre vous et eux. Il n'y a aucune friction dans le vide. Très bien dit. Il n'y a aucune friction dans le vide. Aucune. Et c'est comme ça que vous reconnaîtrez ceux qui font partie de ce groupe privilégié-là, tellement. Vous ne sentirez aucune friction dans le vide avec ces êtres-là. Ça sera la seule preuve que vous aurez que ces êtres-là font partie d'un nombre d'individus qui ne sont pas connus dans le monde, qui ne sont pas connus dans les textes ésotériques, qui ne sont pas prophétisés dans les textes ésotériques, dont l'évolution est totalement cachée, totalement occulte, dont l'évolution n'est aucunement vue de l'astral. L'astral n'a aucune vue sur ces individus-là. De sorte que l'astral ne peut pas communiquer de l'information sur ces individus-là. Je parle des attitudes sur le plan psychologique dans votre vie personnelle, mais j'essaie de vous les transposer aussi sur le plan de votre évolution future, dans les années à venir. Il y a trop de choses, je vous le dis, que je ne peux pas dire pour vous donner un cadre suffisamment clair et précis et mettre tout ça en place. Mais un jour, vous comprendrez ça. Les attitudes bloqueront l'homme de l'éther. Quel que soit votre niveau d'intuition, quels que soient vos pouvoirs psychiques, quelles que soient vos visions de l'avenir, quelles que soient vos visions de l'avenir, vos attitudes vous bloqueront totalement de l'éthérique. Et l'éthérique, c'est bien plus près de l'homme que l'homme s'imagine. L'éther, c'est instantané. L'éther, c'est comme l'éclair. Ça vient. C'est instantané. La compréhension de la loi des attitudes, ça fait partie de la fondation même de la psychologie de l'homme. C'est la fondation même de la psychologie de l'homme. Quel que soit votre niveau d'intelligence, d'intuition, de perception, votre niveau de pénétration de l'astral, votre niveau d'expérience plus ou moins occulte, ça n'a rien à faire avec le temps. Les intelligences dans l'éther ne peuvent pas convenir avec l'homme qui a des attitudes parce qu'ils ne peuvent pas convenir avec des intelligences qui sont imparfaites. Et l'attitude crée l'imperfection dans l'intelligence. Et c'est difficile pour vous autres, quand vous êtes intelligents, de voir l'imperfection dans votre intelligence. Pour voir l'imperfection dans l'intelligence, il faut voir de plus en plus la perfection dans l'intelligence. Je le répète. Pour voir l'imperfection dans notre intelligence, il faut être capable de voir de plus en plus de perfection dans notre intelligence. Mais c'est touché. Parce que si vous avez une attitude envers votre intelligence, vous verrez de la perfection dans votre intelligence et ce sera l'imperfection cachée que votre intelligence ne pourra pas voir. Faites bien attention à ça. C'est mauditement subtil. Pour qu'un homme puisse voir la perfection de son intelligence, il faut qu'il soit parfait dans son intelligence. Et pour qu'il soit parfait dans son intelligence, il faut qu'il n'ait pas d'imperfection dans son intelligence. C'est un cercle fermé 360 degrés. Autrement dit, il ne faut pas qu'il y ait d'attitude. L'attitude, laisse toujours croire. L'attitude, vous laissera toujours croire. Toujours. toujours. Moi, j'ai entendu des propos parmi vous autres, des gens qui ont dit, parmi les séminaristes, des gens qui disent, « Ah, ce qu'il dit, Bernard, je connais ça depuis longtemps. Je comprends ça depuis longtemps. » Il y en a bien des gens qui disent ça. Je vous garantis que vous n'avez même pas commencé à comprendre ce que j'ai pas encore dit. Et je vous garantis que vous n'avez même pas commencé encore à saisir ce que je vous ai dit depuis le début. Je vous le garantis. Vous verrez dans le temps.